Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, la radio Canal B ou sur son blog asile35.blogspot.fr, également sur le mixcloud.com/redman, tout attaché avec Ren comme le bourg brétilien. Voilà donc toutes les playlists et les émissions à jour depuis l'été 2013. Ça en fait des heures et des heures que vous pouvez vous réécouter au coin du feu tout cet hiver et également poster des commentaires sur le blog de l'émission. On va attaquer l'émission de cette semaine avec une vieillerie, un disque que je réécoute assez souvent et que je propose à peu près une fois par an dans cette même émission. Il s'agit de l'Amo & Mike Ensemble, combo légendaire de Providence des années 90, le premier groupe de l'accordéoniste et chanteur Aleca Redfern. D'ailleurs, je l'avais découvert au sein de cet Amoebic Ensemble avant qu'il ne fasse Cavalier Seul et des projets sous son propre nom, avec toujours des pièces dans le registre punk jazz, mais punk au sens de Mr. Frank Zappa. L'Amoebic Ensemble qui mélangeait accordéon avec pas mal d'autres choses, de la vielle, du bouzouki, du basson, du violon, de la mandoline, des percussions plutôt inventives qui étaient jouées par monsieur Jonathan Thomas. Ils ont sorti à l'époque un 45 tours et deux disques longs et je propose de démarrer avec leur premier opus, celui que je me réécoute assez régulièrement, qui s'intitule Limbic Rage. Donc ça a 20 ans d'âge et c'est toujours aussi incandescent. On écoute le titre de l'Amoebic Ensemble, le morceau What I Did Last Summer. Alors je ne sais pas pour vous, mais l'été dernier ça fait un peu loin. On écoute l'Amoebic Ensemble. We'll be right back. démarrage sur les chapeaux de roue et en fanfare pour l'émission L'Asile le plus sûr de cette semaine avec tout d'abord la Mohemic Ensemble, le combo de Providence des années 90. Ça a dû exister entre 92 et 99, très exactement. Ce projet de monsieur Aleka Redfern avant qu'il fasse la carrière qu'on lui connaît. Il s'agissait du premier album qu'ils avaient sorti, Limbic Rage, en 1995. À l'époque, on disait que c'était du rock in opposition à l'américaine. Et donc, ce disque qui était sorti en CD, à l'époque, on ne produisait pas encore de 33 tours et qui doit être encore peut-être disponible sur Internet. C'était sorti sur Over the Counter Records, sorte d'esprit un peu post-biffertien aussi, avec cet Amoebic Ensemble qui était enchaîné avec une jeune formation Noise, un tantinet hardcore et aussi un peu Tex-Mex, vu qu'ils sont originaires d'Austin, les Coma in Alger, avec le disque Happy Forever, leur quatrième album en date, mais je le découvre avec celui-ci. C'est sorti chez un label new-yorkais qui s'appelle A Wicked Company, donc pas mal de guitares chaotiques pour cette formation. Ils sont à peu près une demi-douzaine, donc ils font beaucoup de barouf. Il y a deux guitares, il y a des claviers, plusieurs personnes qui vocifèrent dans les micros. Ça fait penser à une sorte de croisement entre Flipper, Kotchup Kop ou encore le No Neck Blues Band, pour paraphraser le label. Il y a aussi les références de The Fall et des Sonic Youth des débuts, un disque plutôt pas mal, ce Happy Forever de Coma in Alger. On va continuer avec tout autre chose et une séquence de drone assez heavy et de modulation électrique dans un registre plutôt estampillé Velvet Underground de Tony Conrad. Il s'agit de la rencontre entre deux musiciens, monsieur David Maranha, qui est un musicien portugais qu'on a croisé notamment au sein de la formation Osso Exotico, dans laquelle il officiait avec son frère André, qui représente un peu la jeune garde des musiques expérimentales au Portugal, et qui rencontre Helena Epsvål, suédoise expatriée aux États-Unis, qui fait partie depuis quelques années de ce qu'on a pu appeler la scène psychédélique Weird Folk de Philadelphie, notamment au sein de son combo Espers. L'album s'intitule Sombras Incendiadas. Il est sorti par le label de Lausanne 3-4 en vinyle et c'est plutôt très réussi. On écoute bon, le titre qui démarre cet album de messieurs, dames David Maranha et Helena Epsvål, donc une tranche d'hypnose sonore sous le titre Fleur de soufre. We'll be right back. Une séquence pour le moins psychédélique qui a démarré avec la rencontre entre David Maranha et Helena Ebsvold. David Maranha, musicien portugais à l'orgue électrique et au violon, et Helena Ebsvold au violoncelle, pour quatre pièces très réussies de drone assez heavy. Ouais, vraiment un disque très très chouette, ce Sombras Incendiadas, sorti sur le label suisse 3-4 Records, qui était enchaîné avec une formation qu'on a déjà rencontrée, qu'on a déjà vu en concert d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient fait la première partie, si je me souviens bien, de Silver Apples au club Lubu de Rennes, il y a de ça quelques années. Le concert m'avait pas tellement convaincu, leurs opus jusqu'ici non plus, mais ce split avec Gnod, sorti chez God Unknown Records, est plutôt pas mal. Ce sont les Eternal Tapestry, groupe psyché prog de Portland, Oregon, fondé par des anciens Jackie O Motherfucker, notamment Nick Bindeman et son frangin Ted, ainsi que Dewey Mahood, qui lui officie dans le projet solo Plankton Watt, en deux mots, Plankton Watt, qui a sorti pas mal de choses, notamment chez Thrill Jockey, de même que Eternal Tapestry, qui vient tout juste de sortir son nouvel opus sur la firme de Chicago. Ça s'appelle Wild Strawberries. Alors c'est un groupe assez actif, hein, puisqu'ils avaient sorti un autre album long à l'automne dernier, donc à peu près un disque tous les 6 mois. Et donc là, il s'agissait de la face B d'un 45 tours split qu'il partage avec la formation de Manchester Gnod. Une drôle de pièce d'ailleurs, une sorte de drone au sax, donc pas du tout dans le registre rock néo-psyché de Gnod ou autres expérimentations un peu électroniques. C'est sorti sur une nouvelle marque anglaise qui s'appelle God Unknown Records, donc, qui sort une série de 45 tours split. Il y en a une quinzaine, je crois, qui sont programmés, plutôt d'obédience new psyché, vu les signatures qui vont sortir sur ce label. Et à noter par exemple un split Acid Mother Temple et Anthropo Prof, qui vient tout juste de sortir, que j'ai écouté et qui est plutôt pas mal aussi. On va continuer avec un autre disque de cette firme suisse de Lausanne, le label 3-4, donc il sort ce David Maranha et Helena Ebsvold, ainsi que Manin Kari, qui est un duo instrumental français, un duo de frangins, les frères Charlot, ça ne s'invente pas, Frédéric et Olivier, qui se consacrent aux instruments orientaux type cymbalum, santour et autres zurna, pour une musique de rituel folk apocalyptique, un peu une sorte de rencontre entre le surd irband et les musiques persanes, mais tout ça phagocyté par de l'improvisation post-industrielle. Alors, ils existent depuis 2007. Ils ont sorti une demi-douzaine d'albums, mais je les découvre avec ce disque au titre assez amusant, L'océan rêve de sa loisiveté, avec donc ce néologisme loisiveté. Avec un gros travail sur ce disque, sur les harmoniques de cordes et les continuums sonores, plutôt zébrés par les battements du DAF iranien. On va pouvoir s'en rendre compte avec le titre numéro 7. Les morceaux n'ont pas de titre de cet album. L'océan rêve dans sa loisiveté, donc. Since man out of monkey came, cried the cow to the man in the moon. Equality is not for him, and since he is half divine, ever must his heart incline to peacocks, jewels, women, wine. And who sups with the devil must have a long spoon. Fortune by her fancies led, cried the cow to the man in the moon. Bring strange gifts to the marriage bed, some get failure, some success. He that hath him she will bless, and he that hath not shall have less. And who sups with the devil must have a long dust, while another through the land rides with rings upon his hand, for some must kneel and some may stand. And who sups with the devil must have a long. À l'instant, l'Asie de l'Oplution, une petite triplette de titres enchaînés qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Tout d'abord, toujours dans notre découverte du label 3-4 Records, la formation Manin Kari et le disque L'Océan rêve dans sa loisiveté. Un CD d'ailleurs à prix réduit, c'est distribué par Metemkin depuis peu. Ce label suisse de Lausanne qui était enchaîné avec le musicien autrichien Christoph Kurzban, clarinettiste de son état, aussi improvisateur électro-acousticien, également chanteur dans un registre plus pop, et aussi du côté des nouvelles musiques. Il est aussi le boss du label Charisma, qui est une interface de promotion des musiciens improvisateurs depuis quelques années. Avant, il sortait des disques sur ce label. Christoph Kurzban et le double disque Zen and Now, sorti en double vinyle sur le label de ses compatriotes Trotst Records, avec une ribambelle d'invités sur ce disque, sur une bonne vingtaine selon les pièces, qui mélangent donc improvisation libre et aussi des chansons un peu engagées. Là, on l'entendait aux côtés de Robert Wyatt à la trompette et d'un guitariste. Très beau double album qui le montre un peu sous toutes ses facettes, en solo, en duo, en trio et aussi en grande formation, notamment aux côtés de Tony Buck, de Mats Gustafsson, de John Butcher, Lionel Kaplan, ou encore de Kammerflimmer Collectif, ou de Ken Vandermark, avec lequel il joue dans la formation Made to Break, qui a sorti des trucs plutôt intéressants l'an dernier, notamment sur le label portugais Clean Feed. Vous passerez peut-être d'autres extraits de ce Zen and Now de Christoph Kurzban. Là, c'était plutôt une chansonnette assez bien sentie par ce musicien autrichien, et c'était enchaîné avec tout autre chose, le duo de Bristol Empty Set entre Paul Purgas et James Ginsberg, du power noise industriel plutôt qui avoine. Un disque sorti l'an dernier, on l'avait passé à la fin de l'année, ouais, c'était même fin 2013, ce disque chez Raster Noton, l'album Récure. On l'avait passé d'ailleurs dans une émission qu'on avait co-animée avec monsieur Hiroskin, et Empty Set qui joueront dans le cadre du festival Nantais Câble numéro 8 qui aura lieu la semaine prochaine entre le jeudi 19 février et le dimanche après-midi, ce sera le 22 donc. Ils joueront le vendredi soir à l'espace Cosmopolis, rue Scribe, passage Gralin. Et dans cette même soirée, à noter la présence de l'américaine Anne Guthrie, qui n'a rien à voir, je crois, avec Will, et qui est une joueuse de cordes d'harmonie et plasticienne sonore adepte des Field Recordings. On vous avait passé son très beau disque chez Students of Decay l'an dernier. Et sinon, pour cette nouvelle mouture du festival Câble, vous pourrez entendre du hip-hop expérimental avec le projet américain Na, projet solo assez barré, de l'électro tout aussi barré avec Fusillé, du jazz à la Umlaut et à la Quax, également de l'industriel Dada avec le Suisse Rudolf Hebert, qui est peut-être la star du festival Câble de cette année, de même que l'ex-Wolfives Aaron Dilloway. Tout ça, ce sera aux ateliers de Beach le samedi soir et le dimanche après-midi. Pour la dernière journée donc du festival, ce sera donc le 22 février, à la salle Bretagne, une après-midi Vendée Food Foolies, dans laquelle vous pourrez retrouver notamment Sébastien Ogrob, l'ex Sun Plexus, ainsi que le duo Mi Reynolds, Mi Volcanozeber entre Aaron Moore et Anla Curtis, ainsi que des films de trance des frères Hurtado, alias Étant Donné. Plus d'informations sur cette excellente programmation du festival Nantais Câble sur le site Câble Nantes. .org. Et on va continuer avec une soirée qui aura lieu cette fois-ci à Rennes, également la semaine prochaine. Ce sera le vendredi 20 à la Maison de la Grève à 20h30, donc pour une soirée free jazz avec le combo de Lille Louis Minus 16. Donc la Maison de la Grève, c'est rue Le Graveran, en face du bar Le Delta, l'enseigne Le Fournil de Chézy. Donc une formation free jazz, comme je vous disais, comme pas mal de concerts qui ont eu lieu ces derniers temps à la Maison de la Grève. On va écouter un extrait du dernier disque de Louis Minus 16 qui s'appelle Kindergarten. C'est sorti au printemps de l'année dernière. C'était sorti à la fois en CD chez Bicoque Records et en vinyle chez Tandori. Un combo double sax, basse électrique et batterie. Je propose d'écouter peut-être le titre, un des titres les plus rock'n'roll de ce disque de Louis Minus 16, le morceau Sugar Old. À l'instant, dans l'asile de Pussure, une improvisation à tantinet sauvage et rugueuse du duo entre le percussionniste britannique émérite Roger Turner et le guitariste qui ne l'est non moins Otomo Yoshide, mais qui lui est évidemment japonais. À la guitare sur ce disque et non pas aux platines, ce disque qui s'intitule The Last Train, une improvisation enregistrée en concert au Hara Museum de Tokyo le 17 février 2013. C'est sorti sur la marque britannique Fataka Records, qui s'est illustrée ces dernières années, depuis 3-4 ans qu'ils existent, par une série de rencontres improvisées, principalement en duo. Notamment, il y a eu des duos entre trompette et saxophone, entre Nate Woolley et Seymour Wright, entre Axel Dorner et Mark Sanders aussi, John Butcher, Matthew Shipp, John Edwards et Okyun Lee. On vous a déjà proposé des disques de cet excellent label britannique qui produit uniquement en CD, Fataka Records. Et donc ce tout nouvel album, il s'est un petit peu calmé en 2014, ils avaient beaucoup produit en 2012 et 2013, donc peut-être que c'est le redémarrage d'une nouvelle série pour 2015, ce disque entre Roger Turner et Otomo Yoshide, qui faisait suite à la formation entre le saxophoniste Jean-Baptiste Rubin, Adrien Douliez également au sax, Maxime Petit à la basse et Frédéric Lhomme à la batterie, le groupe Louis Minus 16 et l'album Kinter Karten qui était sorti l'an dernier et qui donc jouera à la Maison de la Grève. Ce sera le vendredi 20 février à partir de 20h30, une programmation assez étoffée pour la Maison de la Grève cette semaine comme la semaine prochaine. Le 19 février, il y aura une balade musicale autour de l'underground musical en France, donc c'est à partir de 18h et tout ça en entrée libre le vendredi 19 février. Et cette semaine, il y a une séance projection autour d'un film Carnet d'un combattant kurde de Savona. Ce sera ce mercredi 11 février à la Maison de la Grève du côté de la rue Le Graveran, avec une discussion aussi à partir de 18h et donc projection à 20h30. Également des films de René Vautier à voir ce mois-ci. Ce sera jeudi 26 février pour rendre hommage au cinéaste René Vautier à la Maison de la Grève. Plus d'informations sur le site maisondelagreve.boom.org. On va continuer avec un groupe que j'adore. Ils sont originaires d'Istanbul. Ce sont les Construct, dont on vous avait déjà passé à plusieurs reprises la musique, notamment à l'occasion d'une spéciale qu'on avait enregistrée à la rentrée de septembre dernier. Une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Construct qui s'est illustré ces dernières années par une série de disques dans le pur style du free jazz le plus extrême et le plus raffiné. Petit côté aussi Art Ensemble of Chicago pour la formation portée par le guitariste et électronicien Umut Emek Saglar avec ses 3-4 camarades. La formation s'est stabilisée ces dernières années et on l'a retrouvé notamment sur une série de disques en compagnie des légendes du jazz free et notamment Peter Brotsman, avec lequel ils avaient croisé le fer, ou encore Joe McPhee. Et on les avait retrouvés aussi aux côtés de monsieur Evan Parker ces dernières années, toujours pour des sessions en concert, souvent enregistrées en live à Istanbul et qui voient le jour après en disque CD ou vinyle. Là, je propose d'écouter un double vinyle qu'ils viennent de faire paraître en compagnie de William Parker, live at NHKM. Ça a été enregistré au mois de septembre dernier, à peu près au moment où on faisait cette spéciale d'ailleurs dans les anciens studios de Canal B, donc en septembre, le 12 très exactement, à Istanbul. Il s'agit de 4 longues pièces de 20 minutes, enfin plutôt un live d'une heure qui a été découpé sur les 4 faces de ce très beau double vinyle qui vient tout juste de sortir chez Holidays Records. Évidemment, il est assez difficile de vous proposer un extrait assez significatif de cette excellente session live en compagnie du contrebassiste américain. Donc je me suis arrêté sur le démarrage de la face B, donc de ce disque de Construct and William Parker live at NHKM. Fermez les yeux, vous y êtes presque. We'll be right back. l'héritage de la free music européenne revivifié par les excellents musiciens Stambouliot Construct en compagnie du contrebassiste William Parker avec ce live at NHKM publié par l'excellent label italien Holidays Records, sorti en double vinyle. C'est sorti il y a quelques semaines, c'était enregistré au mois de septembre, le 12 très exactement, septembre 2014, à Istanbul même, par les quatre musiciens de Construct, à savoir le guitariste Umut Saglar, le saxophoniste Koran Futachi, qui ne crache pas non plus sur certains instruments avant d'origine traditionnelle turque tels que le zurna, et les percussionnistes et bassistes Koran Aguden et Ozun Usta, qui donc rencontre le vétéran William Parker sur ses quatre faces de vinyle, l'intégralité de cette performance qui voit le jour donc sur Holidays Records, qui a sorti également un vinyle simple de Construct sous le titre Live at Tarcento Jazz, qui a été enregistré donc au festival italien Tarcento au mois de juillet de l'année dernière. Deux pièces de jazz cosmique post-art ensemble of Chicago par ces excellents constructs. Je vous conseille aussi le double vinyle qu'on vous avait passé dans l'Asile le plus sûr en compagnie de Marshall Allen, Vibrations of the Day, sorti par le même Holidays Records. Voilà, l'émission touche quasi à sa fin. Le temps pour moi de vous rappeler que l'intégralité de cette playlist est podcastable et réécoutable sur le mixcloud.com/redman et le site asile35.blogspot.fr. Et on va se quitter avec une dernière pièce extraite d'un disque qui n'est d'une session de Vespré qui joue également au festival Câble de cette année, donc en fin de semaine prochaine, pour le festival nantais qui aura lieu entre le 19 et le 22 février, donc de jeudi à dimanche très exactement. Vespré, qui est le projet solo de Romain Scrap, ex Laras et Edouard, donc projet solo quelque part entre l'Ocelmar et la Montéyong, nous dit-on dans la com du festival. En tout cas, j'ai écouté ce qu'il produit sur son Bandcamp, ce que je propose pour conclure l'émission de cette semaine, et c'est plutôt fantabulesque. On se quitte donc avec Vespré. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.